Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Ruki. On reçoit Émilie Gauthier qui nous parle de comment choisir son équipement d'hiver sportif. Aussi, Simon Fitzbay nous présente sa chronique Paul is Dead. Sur les gérants d'artistes de Shania Twain et Céline Dion. À Assemblage Ruki. Parle, genre deux gars avec des assez grandes bouches. On pourrait nous appeler des grandes gueules. Hein? Ben oui, on se prend comme ça à notre rentrée en onde parce que là, on est en émoi. Quelle nouvelle aujourd'hui qui est tombée, le retour des grandes gueules? Le retour des grandes gueules à Radio Énergie, parce qu'on on recule dans le passé. On avance et on recule en même temps. Hein. C'est très beau à voir. J'aime ça. Mais bon, assez parlé de ça. Bonjour, Richard Turcotte. Salut, Benoît. Merci, Benoît Gagnon. C'est moi qui ai le titre de Benoît Gagnon aujourd'hui. Et pourtant, wow. On avait même spécifié au début, on l'a dit souvent dans cette émission aussi, c'est Assemblage Ruki, l'émission du retour sans Benoît Gagnon. Et étrangement, c'est maintenant lui qui nous fait compétition en ce moment entre 3h et 6h. Ici, à Énergie, c'est Benoît Gagnon qui va animer jusqu'au 18 janvier. Hein. C'est très, très intéressant. Il fallait vraiment attendre 24 heures pour annoncer, dans le fond, que c'est le gars qui a animé l'émission hier qui va animer l'émission demain et après-demain. Grosse suspense. Quelle surprise. Incroyable. Donc, notre compétition sera féroce. Et nous, nous les battrons de féroce. Arr. Bref, Kiwan et Mathieu avec vous jusqu'à 17h pour parler de plein de belles choses. Aujourd'hui, on va recevoir Simon Fitzbay avec sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Paul is Dead. Il va nous parler de gérants d'artistes, mais pas ceux que vous pensez. Pas des gérants de lutteurs. Non, et pas de René Angélil. Non. C'est-tu de la même personne? Je sais pas si j'ai René Angélil gère des lutteurs aussi. Je sais pas, hein. Ça serait un bon show, par exemple. On va aussi recevoir Émilie Gauthier qui va nous montrer comment acheter des équipements sportifs hivernaux, comme des choses pour faire de la planche à neige, du roulis-roulant. Du roulis-roulant l'hiver, oui. Hivernal. Tout à fait, ouais. Raquettes, ski, tout ça. Donc, c'est la période pour les acheter. Donc, vous nous donnez quelques conseils tout à l'heure. En tant que grande personne fanatique de sport et de travail dans un magasin vivant des sports. En tant que conseillère experte. C'est elle, l'experte des sports. En tout cas. Oh, ça, c'est un inversement proportionnel. En tout cas. À décadence ultime. Bon, on va commencer l'émission. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je m'écoute même plus parler. On commence l'émission avec un petit peu de We Are Wolves. Oui, on va écouter La Rue Oblique. C'est sur le palmarès francophone. Là, c'est fou. On écoute ça tout de suite à Assemblage Ruki. Oh, oh, oh. Hey, la grande gueule. Grande gueule. l'assemblage requis jusqu'à 17h. When the morning comes and I don't wanna face the daylight. When the morning comes and I can't make my body rise. When the morning comes and the darkness presses on all sides. When the morning comes I have to Love Within My Heart, de You Say Party, We Say Die. C'est dans Assemblage Requis, qui est l'émission du retour en pièces détachées ici sur les ondes de C'est Fou avec Kiwan et Mathieu. Oui, tout à fait, jusqu'à 17h avec vous. Oui, est-ce que je t'ai déjà dit, Kiwan, que C'est Fou a un site web? Mais... www.cfou.ca, Kiwan! Pas au courant encore, toi, là-dessus. Mais non, puis qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus, Mathieu? On retrouve les balado-diffusions, on retrouve la programmation, on retrouve des fonds d'écran super cute et plein de nouvelles sur les émissions à venir et sur les invités des émissions quotidiennes. Parce que je regardais ça comme ça, moi, je faisais mon petit curieux, tu sais, mon petit Joe connaissant, je voulais aller voir sur le site de C'est Fou. Et j'ai vu que demain, mercredi 2 décembre, Fred Pellerin va être en entrevue au Dîner de con pour parler de son album Silence, K-1. Fred Pellerin, c'est cool. Vrai. Pellerin. Ouais, son album solo, en fait, de chansons, vraiment, est sorti la semaine dernière, mardi dernier. Donc, c'est cool de venir parler de ça avec les gars du Dîner de con demain. Absolument. Aussi, demain, tant qu'être là, vous pouvez commencer à écouter 6 fois à 7 heures, hein, parce qu'il va y avoir la chronique culturelle stéréotonine de Sophie Laforêt et la chronique du service aux étudiants. C'est dans la pilule du Normand à partir de 7 heures demain avec Marc et Sylvain. Exactement. Et puis, tant qu'à parler de demain, pourquoi pas dire aussi que demain, ici, à l'émission à Assemblage requis, on va recevoir le groupe Polype en entrevue parce qu'ils sont en spectacle demain, ici à Trois-Rivières, c'est à l'Embuscade. Et ils vont être de passage dans l'émission avant leur spectacle pour jaser un peu de leur nouvel album. C'est vrai, on écoutera un petit peu de Polype tantôt, de leur nouvel album Tropic du cancer. Mais avant ça, on va écouter un petit peu d'Alexandre Desilets. Oui, Alexandre Desilets, en fin de semaine dernière, est arrivé un petit incident. Un pépin. Comment? Un pépin. Un petit pépin. Ouais. Il est en spectacle à Quaticook et puis les gens qui sont allés là ont quand même eu de la chance dans leur malchance parce qu'il y a eu une panne de courant. Une pépin de courant. Une pépin de courant pendant le spectacle. Il n'y a vraiment pas de backup dans la salle. Je ne sais pas si c'était où, ou juste dans un sous-sol d'église. Je ne sais pas trop. Non, je ne veux pas être méchant envers les gens de là-bas. Non, sinon, il y aurait eu la foi de d'en haut. Ouais, il y aurait eu la lumière du Seigneur. C'est ça. Mais non, c'est ça. Il y a une panne de courant, rien à faire, vraiment pas de génératrice, rien. Donc, il a fini le spectacle. Il a quand même fini le spectacle aux chandelles en version acoustique. Wow. C'est vraiment génial. Donc, finalement, les gens qui sont là, quand c'est arrivé, sûrement se disaient, ah merde, notre soirée est ratée. Mais finalement, il y a eu quelque chose d'exceptionnel, quelque chose que personne d'autre va avoir. Sûrement, Alexandre Desilets. Acoustique à la chandelle, ça devait être super cute. Mettons que les gens n'étaient pas désolés. Hein? Desilets. Alexandre Desilets, où va nous mène? Assemblage requis. 89 FM. Je serai les coups que tu déploies, comme si mon cœur pouvait les prendre, pour apaiser les tourments qui rentrent. Et que je sois au bout de ta clémence, je saurai aller à ta rencontre, chasser les démons et nous sortir de l'ombre. Je m'en vais briser le silence, au-delà des mots qu'on veut entendre. Les jours de peine, ne pensant plus. Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. J'ai déjà pris l'avion en rêve une fois. Et j'ai atterri le cœur en vrac pour toi. J'ai entendu bailler la porte de secours. À 6 heures. Non. Écoute, des fois, ça vaut la peine. Je trouve ça tard, 10 heures pour un show. C'est pas juste, c'est juste pas où c'est tard, 10 heures pour un show. Mais non, mais c'est un peu la moyenne, là, dans le fond, surtout les shows dans un bar. Faut te laisser le temps au monde d'arriver pour prendre une bière un peu. On se disait, Mathieu et moi, que le spectacle de demain de Polype, qu'on vient d'entendre avec la pièce La peine en vaut le coup de leur nouvel album Tropique du cancer, le spectacle est demain à l'embuscade. Ça commence à 10h. Moi, c'est sûr que je pourrais pas y aller parce que je vais être en train de travailler à cette heure-là. Mais même pour quelqu'un qui est chez eux, mais généralement, tu sais, quand tu travailles le matin, mais c'est sûr que tu vas pas avoir un show qui commence à 10h. Je veux pas leur dormir d'en face. C'est pas très respectueux non plus. Ben, c'est pour ça que je suggérais de faire une petite sieste à 6h, tu sais, un petit power nap, là, de 6 ouais. à 8. Pour essayer ça. Ouais. Ouais. Donc, Polype, demain soir, 22h à l'Embuscade, ici à Trois-Rivières, c'est sur Bado. Allez-y en grand nombre. On veut vraiment qu'il y ait beaucoup de monde à ce spectacle-là de Polype parce qu'ils ont passé quelques fois, une fois, plusieurs fois. Je sais pas s'ils sont venus plusieurs fois. En tout cas, moi, je sais que je les ai vus quand ils avaient sorti leur petit EP. C'est sûr qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas aussi connus non plus. Donc, je suis persuadé qu'il va y avoir quand même du monde. Mais moi, en tout cas, t'sais, peu importe là, qui pourra y aller ou pas, moi, je suis vraiment juste déçu de ne pas pouvoir y aller parce que j'aime beaucoup Polype et j'aimerais ça les voir. Mais moi, je pourrais vraiment pas. Donc. Je vais contacter Maxime Lemieux-Laramé, l'homme magnifique de Télécharge quoi les jeudis ici dans l'Assemblage Requis, pour lui demander. Ça étonne, le représentant de. Il représente la crowd, lui, à Trois-Rivières. C'est ça, c'est le gratin, le gars. Lui, il est toujours là. T'sais. Toujours partout. Il est fidèle. Moi, je l'apprécie et je l'admire énormément. J'aimerais pouvoir avoir son. Sa rigueur. C'est, ouais. ou ses disponibilités. Moi, c'est plus ses disponibilités. Je vais dire ses cheveux. Que j'ai envie. Ouais, bah aussi, si ses cheveux sont enviables. Très beaux cheveux. Ouais. Bon, donc vous êtes à l'assemblage requis, vigilance auditive nécessaire, plan inclus avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Oui, on va aller écouter maintenant un artiste qu'on connaît bien qui vient d'ici, Trois-Rivières, et qui travaille pas mal, qui est pas mal dans le coin de Montréal depuis un bout de temps, Antoine Corriveau, avec qui travaille aussi maintenant en formation, là, qui crée toujours en groupe. Au départ, c'était pas mal lui tout seul, même en spectacle, il était souvent seul, mais là maintenant, c'est vraiment monté un groupe qui joue toujours avec lui, dont fait entre autres partie Émilie Proulx. Émilie Proulx. Et c'est ça, des nouvelles pièces disponibles d'Antoine Corriveau. C'est même téléchargeable sur son espace. Vous allez sur MySpace/Antoine Corriveau. Et il y a trois nouvelles pièces qui vont être sur un prochain album qui n'est pas encore annoncé. Mais les pièces sont vraiment complètes. Là. Puis c'est même, moi, j'ai entendu, j'ai même déjà passé dans l'émission La Dernière Porte à Gauche. Puis tout à la différence là, principale avec ce qu'il faisait avant, c'est vraiment au niveau de la production qui est vraiment beaucoup mieux finie, plus léchée. Même, c'est pas trop, mais c'est vraiment très, très, très bien produit. Et puis, je trouve que ça fait un peu... Au-delà du fait que ce soit bien produit, ça change un peu, des fois, je trouve, la nature de la pièce, parce que ça faisait partie un peu du son d'Antoine Corriveau avant, le petit côté sale un peu. Lo-fi un peu. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est ce que j'aimais vraiment beaucoup dans sa musique, mais la musique reste encore excellente. C'est juste que là, c'est vraiment très bien produit. Donc, ça va peut-être rejoindre un plus grand auditoire, le fait que ce soit mieux produit comme ça. Je suis sûr que ça va être peut-être diffusable sur d'autres médias. Donc, on va voir ce que ça va lui donner, mais en tout cas, ça reste d'Antoine Corriveau, c'est très bon. On va écouter la pièce Distance Usuelle que vous pouvez donc télécharger gratuitement sur son espace. Et c'est à Assemblage Requis. Au 89.1 FM. Garde le silence, je n'ai pas envie de t'entendre. Je n'ai pas envie de reprendre le combat où je l'ai laissé dans mon ancien appartement. Il y a des marques sur le plancher, des traces qui ont figé longtemps. Je ne veux pas revivre ça, en arriver à détester tous les gens tout autour de moi. Je ne veux pas me répéter, j'ai autre chose à faire des nuits que de les passer éveillés en croyant qu'ils m'ont menti, que c'est eux qui m'ont saboté. Des sabordages et des naufrages, mais sur la mer je dois filer, ne pas me laisser dériver. Les esprits sont un peu trop faibles et les guerres un peu trop faciles à déclencher. Dans la distance il n'y aura rien, pas d'espace à remplir du tien, juste une zone un peu tranquille pour laisser visiter les miens. Et l'horizon arrivera bien, et l'horizon arrivera bien, et l'horizon, et l'horizon arrivera bien.

than trying. All the good times lie ahead. Oh, oh. Last thing I remember, things were getting better. Last thing I remember, things were getting better. Last thing I remember, things were getting better. Featuring Scarlett Johansson avec Shampoo à Assemblage Requis. J'adore cette pièce-là. C'est vraiment un succès montant dans mon cœur. Oui, c'est le nouvel extrait de cet album-là qui est arrivé sur les palmarès anglophones ici à C'est Fou. Et juste avant Pitjorn et Scarlett Johansson, on avait entendu une pièce du groupe Moussette. C'est extrait de leur premier album complet. La pièce s'appelait Carré Grandisse. Et ça date déjà de plusieurs années, ça, cet album-là. Je pense que c'est comme 2006 ou 2007 dans ce coin-là. Et les gars de Moussette se préparent à sortir un nouvel album. Tu sais, Moussette, y a les frères Moussette, entre autres, font aussi. Puis en a un, je crois, qui est aussi. Fait partie du groupe avec Podcast. Et il y a quelques personnes aussi. Là, ce groupe-là est composé là, pas mal de musiciens qui ont d'autres projets qu'on connaît, des groupes montréalais surtout. Et c'est ça, ils travaillent sur un prochain album. En fait, il doit s'en venir assez complet cet album-là parce qu'il est prévu pour sortir en février 2010. Donc c'est déjà dans deux mois environ. Et c'est ça, selon eux, ça va être leur meilleur album à vie. Et ils ont très hâte de le sortir. Donc c'est dans quelques mois, on vous en reparle. Il n'y a pas encore de nouvel extrait disponible, mais c'est pour ça qu'on en a passé un ancien, mais on a très hâte d'entendre du Moussette. Je trouve ça rare, moi, les groupes qui disent que leur nouvel album est le meilleur qu'ils ont fait de la vie. C'est vraiment c'est cool, ils sont honnêtes. Hein? Ben non, mais t'sais, c'est sûr que s'ils pensaient que c'était pas leur meilleur, ils le diraient pas. Non, ben c'est ça. Ils diraient pas, ah, celle-là, vraiment, c'est notre pire album, il sera pas bon. Sauf on n'est pas fiers de nous autres pas en tout avec celle-là. Là. Sauf que s'ils pensaient pas que c'était le meilleur, ils le diraient pas. T'sais. Non, mais t'sais, laisse-moi me faire mon propre avis, ouais, selon c'est moi. Ouais, c'est sûr. Bon. Ouais, c'est sûr. Si tu veux, je suis de même. Vous êtes à l'assemblage requis, Kiwan, Mathieu. Jusqu'à 17h, tous ensemble. Plus tard dans l'émission, on va avoir plein de choses pour vous. Hein. On est vraiment rempli jam-pack ou emballage confiture. Ouais. On va avoir Émilie Gauthier qui va nous présenter ses façons de cultiver les vêtements et équipements sportifs pour que ça pousse bien. N'importe quoi. Non, mais choisir ses équipements sportifs hivernaux. Ouais, c'est ça. D'habitude, Émilie nous fait plus des suggestions de sorties extérieures que t'écoutes d'ailleurs religieusement qu'à chaque semaine. J'ai pas vraiment le choix, en fait, parce que je suis dans le studio. Là, mais... Non, mais je veux dire, à chaque semaine, tu réponds à ces chroniques en allant toi-même essayer toutes ces suggestions de sorties plein air. Mais cette semaine, elle ne nous suggérera pas d'endroit, elle va plutôt nous parler d'équipement, de façon de choisir son équipement pour la saison hivernale qui s'en vient. Bon. C'est bien ça, j'ai hâte. On va aussi recevoir plus tard dans l'émission Simon Fitzbé avec sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Paul is dead. Toujours mort. Oui, et j'ai très hâte de parler du gérant de l'Undertaker. il était hot, hein? Tu te souviens-tu de... Non? Non. Pas trop de références de lutte. Pas trop. C'est tout. C'est juste assez. OK. On a assez. Bon, donc, ça c'est plus tard dans l'émission. Hein? C'est vrai. Ouais. On va aussi avoir plein de bonne musique comme toujours, mais on va justement continuer en musique parce que c'est ce qu'on fait de ben, je dirais pas que c'est ce qu'on fait de mieux parce que ça serait poche pour les chroniqueurs, hein? Je trouve pas. Ce serait un petit peu fendant. Ouais, puis c'est ce qu'on pourrait aussi utiliser un slogan qui est déjà utilisé ailleurs, donc on le fera pas. Étant? À propos de musique et de ce qu'il y a de meilleur, mais bon, on va l'écouter du Band de Garage. Ah, laissez parler la musique. Monte le son, voici Band de Garage et Camper. Dans la Assemblage Requis et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. De Band of Skulls. I know what I am. Toujours fantastique, Band of Skulls. Hein? Ils peuvent faire n'importe quoi et eux, je vais toujours les aimer. Pas parce qu'ils parlent de crâne dans leur nom, parce que je trouve ça un petit peu déplacé. C'est des crânes. Comme des... Ben, c'est sûr que le nom suggère peut-être un autre groupe metal ou punk, mais ouais. Non, ça ne l'est pas. Apparemment que non. Mais non. Détrompez-vous, tout le monde. Vous êtes à Kiwan et Mathieu, Assemblage Requis jusqu'à 17h. On s'amuse comme ça, on passe de la musique, on reçoit des gens tantôt. Là, pour l'instant, on reçoit pas grand monde, là, mais on vous accueille quand même dans notre petite maisonnette qu'on appelle le studio de C'est Fou au 89FM. Et on va retourner en musique. Avec un petit peu de Romokto Diamond. Romokto Diamond, c'est la pièce Last Diamond in the Cave qu'on va aller écouter, qui était dans le palmarès pas longtemps, mais ça ne l'est plus maintenant, mais on l'écoute quand même. Romokto Diamond à Assemblage Requis au 89FM. Au 89 FM. Ben ça c'est la radio campus de Trois-Rivières par exemple. Je veux pas te corriger, mais c'est fou, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Juste parce que tu sais, je pense que tu savais pas que c'était ça a pas paru du tout. Non, finalement ça a paru. Ben là c'est dur à cacher là. Écoute. Hey Colin, voyons donc. Ah! Oh. Hey, après trois fois, hein? Prochaine fois, j'essaierai de battre ce record-là. Regardez-moi bien. Ouais, je n'ai pas de doute. Ouais. Ah! 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Beau. La formation de Go Team, qui était en position numéro 13 de l'année 2008 au grand complet des pièces les plus jouées du côté anglophone, c'était Grip Like a Vice. On s'en a entendu Romokto Diamond, qui peut-être, quand sais-je, sera dans le palmarès de l'année 2009, parce que ça a été là quand même assez longtemps, ça. Oui, ça a été là comme 8-9 semaines environ, donc c'est quand même assez long. Ce qui risque de faire d'eux des finalistes pour le top de l'année complète 2009. Puis justement, quand est-ce que ça a lieu, cette émission spéciale, Mathieu? Ben, bonne question, Kiwan, félicitations. C'est l'émission C'était fou en 2009. Ça aura lieu les mercredis et jeudis 16 et 17 décembre, entre 13h et 15h. Donc, soyez avec nous pour le côté anglophone le mercredi. Et le jeudi, ce sera francophone, un peu comme on fait avec les palmarès en ce moment, mais avec seulement le top 20 de l'année au grand complet. Ça va être super bon. C'est ça, donc c'est comme une édition spéciale des palmarès. Bref. Et voilà, tu as tout compris. T'es intelligent et rapide en plus. Ouf. C'est pas rien, ça. Hein? Donc justement, parlant des palmarès, ben c'est demain. Les palmarès réguliers dans leur nouvelle case horaire, leur nouvelle formule. Donc demain, le top 20 anglo, demain, et jeudi franco. Donc soyez là, c'est de 13h à 15h. Je vous attendrai. Bon. Vous êtes à Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Il nous reste encore une bonne heure à l'émission. Oui, dans quelques minutes, on va recevoir Émilie Gauthier pour nous parler plein air. Mais pour l'instant, on va retourner en musique avec un groupe qui est en spectacle ce soir à Trois-Rivières. C'est au Gambrinus à côté. C'est Trois gars sur le sofa. On va écouter la pièce À l'ombre de leur dernier album, Cerf-volant. Arroser tes plantes, j'ai tout mis tes choses dans un coin, plié ta robe de chambre, débranché ton réveil matin. Depuis le mois de septembre, j'avais une sorte de petite angoisse qui montait dans mes jambes et m'enlevait un peu de mon entrain. J'arrose encore tes plantes, je leur mets l'engrais comme tu m'as dit. Puis des fois quand ça me tente, je leur joue un peu de bâton de pluie. Depuis le mois de novembre, j'ai comme un petit surplus de temps. C'est bon parce que mes jambes voulaient courir depuis longtemps. Parce qu'entre nous deux, c'est fané. Je me sens soulagé maintenant. Tu faisais de l'ombre depuis trop longtemps. Des gros sourcils. Depuis le 3 décembre, j'ai comme une sorte de bon ami qui connaît rien aux plantes. Je lui enseigne ce que tu m'as appris. T'es venu récupérer tes bois d'hier en fin de journée. Quand t'as vu tes plantes, ton sourire m'a rempli de fierté. Depuis que les jours rallongent, j'ai fait un retour à la terre. Je repose un peu mes jambes, je me suis moi-même mis en jachère. Parce qu'entre nous deux, c'est fané. Je me sens soulagé maintenant. On se faisait de l'ombre depuis trop longtemps. Ah, que c'est beau l'amour. On vient d'entendre la pièce À l'ombre de Trois gars sur le sofa qui va être en spectacle ce soir au Gambrinus. Ouais, c'est sûr que c'est une version de l'amour, là. Ouais, en fait, je parlais pas vraiment de la pièce. Ouais, c'est ça. Des fois, il se passe des choses que vous ne saurez jamais. Ouais, c'est ça. Les gens ne savent pas, eux, ce qui se passe dans le studio. Non, hein, parce que s'ils savaient... Ça fait parler d'amour. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, on va partir des préjugés ou des blagues qui sortent du commun. Bon. Donc, dans la deuxième heure de l'émission, on va recevoir Émilie Gauthier pour parler de comment enfiler des bottes. Exactement, donc ça va être très bénéfique pour toi. Des bottes de ski, là, on s'entend, des équipements hivernaux et sportifs. On va aussi recevoir Simon Fitzbé. Oui, avec sa chronique Police Dead qui nous parle de gérant d'artistes célèbres. Et les deux chroniques n'auront pas nécessairement rapport ensemble, vraiment. Non, mais sûrement que les gérants d'artistes célèbres portent des bottes aussi. Ouais, puis de même, t'as raison, pensez-y. Assemblage requis et CIFU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis. Kiwan joue de la batterie avec son crayon en écoutant la pièce thème d'Assemblage requis, qui est ma foi excellente en passant. Ben oui, mais c'est ça, c'est moi qui joue la batterie. Avec un crayon, hein? Présentement, là, ouais, c'est ça. Wow! Que de talent! Dans quelques minutes, on va recevoir ensemble, Kiwan et moi, Émilie Gauthier, pour parler de plein air. Il va nous parler de raquettes aujourd'hui, de grandeur de raquette, comment choisir sa raquette, quoi faire avec une raquette, etc. sur des raquettes. Parfait, donc on parle de tennis dans quelques minutes. Et de pieds. On parle de pieds aussi. Demain, je travaille et après-demain, je sortirai faire de la raquette pour être le nom complet de la pièce de Mimi Vandaglo qu'on vient d'entendre, mais elle s'appelle seulement Demain, je travaille. La suite, c'est moi qui l'ai inventé parce que je suis si fort que ça. Kiwan? Oui. C'est le moment d'accueillir Émilie Gauthier. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, faisons ça. Bonjour, Émilie. Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui, super. Comme ça? Je sais pas, mais c'est le fun. Mais on va faire toute la chronique comme ça. OK. Donc, Émilie Gauthier qui vient nous parler de plein air comme ça chaque mardi dans Assemblage requis. Aujourd'hui, à la place de parler d'endroits où sortir en Mauricie, là, tu t'es décidé de te brancher, de te faire des branches, des racines et tout. Là, j'ai tricoté une raquette avec ça. Vraiment, les analogies sont nombreuses. Oui, oui, oui. Vraiment. Donc, tu vas nous parler de comment choisir des raquettes pour faire de la raquette avec des raquettes dans tes pieds. Dans les pieds, mais pas des raquettes de tennis. Je m'excuse. Je m'excuse, Kiwan, mais... Non. C'est des raquettes à neige. Et pas des raclettes comme tu m'as montré tantôt que c'était pas... Non, pas de la raclette non plus. Même si c'est bon, là, non. J'aurais aimé ça. Je suis un petit peu déçu. Je m'excuse. Mais c'est pas grave. Par quoi est-ce qu'on commence pour choisir des raquettes, Émilie? Dis-moi. Ben, la première étape, c'est de savoir quelle grandeur qu'on a besoin. Une grandeur de raquette, ça se détermine par le poids de la personne. Je vais vous donner un peu la charte universelle pour s'enligner. Une femme, quand c'est de 0 à 140 livres, c'est 21 pouces. De 140 à 190 livres, c'est 25 pouces. Et 190 livres et plus, c'est 30 pouces. Mais 30 pouces, c'est pas dans toutes les... Faut les chercher un peu. Ouais, c'est pas toutes les compagnies qui en font. Homme, c'est jusqu'à 190 livres, c'est 25 pouces. 90 à 230, c'est 30 pouces. Et 230 à 290 et plus, c'est 36 pouces. Mais encore une fois, le 36 pouces, c'est pas tout le monde qui les fait. Mais il faut aussi tenir compte de la grandeur de la personne, parce que selon certaines chartes, le poids peut tomber entre deux grandeurs. Comme moi, je suis entre le 25 et le 30, mais il faut tenir compte de la grandeur aussi. Quelqu'un qui fait 5 et 3, s'il est entre le 21 et le 25, on va lui conseiller le 21 parce que c'est plus petit. Contrairement à quelqu'un comme moi qui est vraiment plus grande, je fais 6 pieds 1, je peux marcher avec une 30 pouces sans problème. OK. Donc, ça, faut y aller avec la logique. Oui, le poids fit avec les deux grandeurs de raquettes, mais si la personne est vraiment grande, c'est à son avantage d'en prendre une plus grande parce qu'elle va moins caler dans la... Ouais, c'est ça. C'est ce que ça va faire si tu prends pas la bonne raquette, c'est que tu vas caler. Mais c'est ça. Si une personne 5 et 3 décide d'en prendre une 30 pouces, vas-y, mais c'est parce que tu vas avoir de la misère à marcher, tu vas marcher trop écarté, puis c'est trop long, trop large. Donc, la grandeur, c'est vraiment proportionnellement au poids, mais plus on s'adapte aussi à la grandeur, il faut y aller avec la logique. Faire attention, j'imagine, aussi quand on emprunte les raquettes de quelqu'un d'autre, quand on va faire de la raquette, ben, ça peut être ça. Habituellement, on essaye d'emprunter quelqu'un qui a le même physique que nous. Même gabarit. Voilà. Bon. Donc, ça, c'est pour le poids et la grandeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on vérifie? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, après ça, c'est plus question de qu'est-ce que vous voulez faire avec votre raquette. La première question que moi je pose quand un client arrive, je veux une raquette. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est de la montagne, c'est de la randonnée dans le bois, dans le champ, en arrière de chez vous. Ça dépend de qu'est-ce que vous voulez faire avec la raquette. Donc, il y a le pivot qui est à regarder. Le pivot, dans le fond, il y a deux types. Il y a le pivot fixe puis le pivot complet. Le pivot complet, dans le fond, il permet à l'arrière de la raquette de rester au sol. Donc, on avance, la raquette traîne à terre sans lever. Puis le pivot fixe, c'est celui qui va garder la raquette plus près du pied. Donc, l'arrière de la raquette remonte avec le pied à chaque pas qu'on fait. Avantage, désavantage, c'est que le pivot complet, il va garder la neige au sol, puis c'est plus facile d'avancer parce qu'on fait juste traîner la raquette. Sauf que reculer ou revirer de bord, ça va être quelque chose d'un peu plus complexe parce que justement, la raquette, elle va pendre en dessous du pied au lieu de rester stable. Le pivot fixe, lui, va procurer une marche quand même assez facile, mais ça va faire comme une gougoune, dans le fond. On va lever, la raquette va suivre le pied. C'est plus facile de corriger la trajectoire justement parce qu'elle reste plus près du pied. Tourner, c'est facile. Le seul défaut, c'est que, étant donné que ça claque comme une gougoune en arrière, la neige va revoler en arrière des jambes, en arrière du dos. C'est un petit moins à prendre en considération, mais c'est un gros avantage si vous voulez pas justement... avec le pivot complet, on lève le pied complètement du sol, puis la raquette va pendre, tandis que le fixe, lui, va rester vraiment fixe à côté au pied. Donc, c'est l'avantage d'avoir. Mais c'est ça. Ça dépend. Si vous faites de la montagne, ça dépend. Oui, c'est une question de goût aussi, j'imagine. C'est ça. Ouais. C'est ça. Il y en a qui aiment juste pas ça, avoir la neige qui revole dans le dos. Mmh. C'est vraiment pour... c'est une question de goût. Est-ce que tu peux faire comme avec un vélo, mettre un petit flap en arrière pour que la neige ne revole pas? Non? Tu ne penses pas. Non. Tu te mets juste un bon pantalon de neige, peut-être tout ça fait déjà. C'est assez. Voilà. Après ça, un autre point à observer, c'est le type de harnais. C'est vraiment quelque chose de primordial. On doit être capable d'enlever et d'ajouter nos raquettes facilement. On ne sait jamais si quelqu'un se blesse ou si on déboule, c'est plus facile. Il faut vraiment être capable d'enlever nos raquettes facilement. Fait que là, encore une fois, c'est une question de goût. Il y a deux grandes catégories. Il y a des attaches en dessus et des attaches qui sont à crinque. Les attaches en dessus, c'est un petit peu plus bas de gamme. C'est facile, c'est vraiment facile de glisser le pied étant donné que c'est souple. Mais sauf que si la neige a fond et a fini par regeler dans le tissu, ben c'est vraiment plus compliqué d'enlever sa raquette parce que c'est trop rigide puis les ajustements sont faits comme des boucles de sac à dos, donc faut que ça passe dans la poulie si on veut là. Puis si c'est raide, c'est gelé, ben ça va être beaucoup plus complexe. Puis c'est aussi difficile d'ajuster sa raquette en gardant nos mitaines dans les mains parce que d'habitude il n'y a pas un grand jeu. Mais c'est pour ça qu'il a inventé les gants avec les doigts là que tu peux, tu sais, par-dessus. Ouais, mais encore là, un gant comme ça qui flippe et qui a les doigts à l'air, tu fais pas du ski de fond ou de la raquette avec ça parce que c'est pas. C'est ce que j'aurais fait, mais bon. Mais c'est parce que ça respire pas autant qu'un gant qui va être fait en polyester ou quelque chose comme ça. Petit gant de laine comme ça, là. Non. Yeah, c'est cute, là, mais c'est tout. C'est très cute. Une attache à crinque, il y a plusieurs qualités, mais en gros, c'est que c'est facile et facile à enlever pas à détacher, parce que c'est vraiment un système de crinque. Comme sur une fixation de snowboard, par exemple. Même plus facile. Ouais, c'est vraiment, on crinque si on veut nos trois coches, si on en veut juste une, on fait juste monter un peu la crinque. C'est vraiment encore plus facile que des fixations de ski et de snow. OK. Mais c'est du luxe, est-ce qu'il y a une différence dans le prix de... Ouais, il y a une différence, environ 50$. Si on change de haut de gamme tissu jusqu'à bas de gamme crinque, c'est environ 50$, mais ça peut aller jusqu'à 100$, ça dépend. C'est pour ça que je dis, il y a plusieurs gammes de systèmes de crinque. D'accord. Puis le gros plus, c'est qu'on peut garder nos mitaines, nos gants, puis les ajuster sans problème, les enlever. D'habitude, c'est juste une clanche dans le milieu qu'on retire, puis ça se défait tout seul. Donc, si vous êtes prêt à investir un peu plus, c'est un gros plus d'aller chercher la tâche avec la crinque. Voilà. Voilà. Après ça, un autre point qui est important à regarder, c'est les crampons. Crampons! Crampons! J'aime ça le mot crampon. Ça sonne bien en anglais. Ouais. Je sais pas c'est quoi. C'est pas ça du tout. Je penserais non. pas. Non. Encore une fois, ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous me dites d'aller faire de la montagne, vous allez faire plus quelque chose qui va avoir de la glace, on va aller chercher un crampon plus complet. Mais si vous faites juste dans le champ, derrière chez vous, dans neige folle, on peut aller avec un crampon qui est pas plus bas de gamme, mais moins complexe, puis ça peut faire l'affaire. Là. Suffit qu'il y ait dans le fond des crampons en dessous de la plante du pied puis au talon pour être sûr qu'il n'y ait pas de glissement trop... Il y en a qui en ont un peu moins au talon, mais ça veut pas dire pour autant que la raquette est pas de bonne qualité. C'est juste que c'est on n'a pas besoin d'aller chercher plus que ça pour l'utilité qu'on en fait. C'est sûr que si on va faire de la marche en neige folle, on va axer un peu plus nos besoins sur une raquette plus large, tandis que si on va en montagne, on va avoir besoin de plus de grip, si on veut un peu plus de prise. Puis, on va axer nos besoins sur un crampon plus solide, plus complet. Voilà pour les crampons. Crampons. T'as pas parlé des crampons 4 roues motrices, par exemple? Ou des 4 saisons? Non. Je vais te laisser en parler quand j'aurai terminé. Merci. C'est bon? Oui. Faut que t'avertisses le monde, mais les pneus d'hiver, c'est important aussi. Oui. Mais pas sur nos raquettes. Pas sur les raquettes. Une talonnière, il y a pas ça sur toutes les raquettes, c'est un petit plus. Mais encore une fois, si on en a pas toujours besoin, c'est plus si on a à faire de l'ascension ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas présent partout. L'utilité d'une talonnière, dans le fond, c'est un petit U de métal qu'on va remonter, qui va rester là. Puis c'est quand on monte une côte, c'est juste... Quand on monte, d'habitude, on marche comme ça à pointe des pieds pour nous donner plus de swing. Mais la talonnière, dans le fond, ça va nous donner l'impression de marcher à plat. Donc, on va pouvoir se pousser sur la talonnière, même si la raquette est en angle. La talonnière va vraiment nous donner l'impression d'avoir le pied à plat. Donc, ça nous donne plus de prise. C'est plus facile de monter. C'est comme un genre de talon haut, bref. Ouais, c'est ça. C'est comme un talon haut qu'on peut enlever et remettre. Donc, ça l'aide beaucoup quand on monte une côte ou quoi que ce soit. Mm-hmm. OK. C'est un plus. Je vous rappelle qu'on parle toujours de raquettes en compagnie d'Émilie Gauthier dans sa chronique plein air. Pour les gens qui ne suivent pas, qui arrivent en plein milieu puis qui se disent des talonnières, des talons hauts. Pourquoi on parle de talons hauts? C'est pas une chronique de mode ici, c'est une chronique de raquettes. Voilà. C'est ça. Côté chaussures, il y a beaucoup de monde qui me demande qu'est-ce qu'on met dans une raquette. Ben, si vous voulez, allez-y avec une running, mais c'est tellement pas l'idéal, mais il y en a qui le font. Puis ça existe des raquettes de course qu'on met une running dedans, mais moi, j'en vends pas. Je sais pas c'est quoi, mais je sais que ça existe. Mais personnellement, là, je vous conseille plus d'aller qu'une botte. Ça dépend de votre tolérance au froid. Si vous me dites « j'ai tout le temps chaud aux pieds », on voit qu'une botte qui est isolée un peu moins, ça existe à 200 d'isolation. Mais si vous dites « j'ai tout le temps froid », il y a du 400-600 degrés d'isolation, donc on peut aller avec ça. Il y a certaines compagnies comme North Face puis Merrell qui font des bottes avec un petit appui à l'arrière. C'est comme une petite tablette en arrière, si on veut, que la ganse arrière de la raquette va venir s'accoter dessus pour que ça glisse moins. Donc, c'est certain que c'est un avantage d'avoir ça, mais on peut avoir une bonne botte de marche sans ça, puis ça peut faire l'affaire aussi. Puis, il y a aussi ces bottes-là, ils ont comme un petit anneau à l'avant pour attacher des guêtres, que je vais expliquer à l'instant. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr d'être bien chaussé. La running, c'est pas l'idéal, mais il y en a qui le font. Mais moi, si vous me demandez qu'est-ce que je devrais mettre, c'est sûr qu'une petite botte, c'est mieux. Ou un bottillon. Ben, c'est ça. Juste quelque chose qui va venir couvrir la cheville aussi. Okay. Parce que veux pas, c'est pas du sport, mais n'importe qui fait de la bonne randonnée va avoir une chaussure ou une bonne botte de randonnée. Donc là, c'est dans la neige en plus. C'est l'idéal d'avoir une petite botte. Même si c'est pas isolé, très chaud, vous avez un bon bas, vous avez une bonne botte, vous pouvez faire l'après-midi. Ouais. Puis j'imagine que ça prend tellement de force de manier les raquettes que tu sues pareil. Oui. Ça te réchauffe les pieds. Oui. Je me trompe, non? Ben, ça dépend. Si tu fais de la marche, tu t'arrêtes aux 2 minutes pour regarder les oiseaux, ben... Préjugé envers moi, ça. Là. Non, mais il y en a beaucoup qui prennent des raquettes parce qu'ils veulent aller dans le bois observer la nature puis que c'est pas accessible autrement qu'avec des raquettes. Mais il y en a que c'est vraiment pour aller prendre une marche. Donc, ça dépend. Je reviens tout le temps là-dessus, mais ça dépend vraiment de vos besoins. Là. Une guêtre, qu'est-ce que je venais de dire? C'est un peu une rallonge de pantalon de neige. Ça se serre et ça s'ajuste mieux à la botte que le pantalon. C'est pas quelque chose qui est nécessaire si c'est de la marche qui est faite en sentier. Mais si vous allez dans neige folle ou en hors-piste, c'est sûr que la neige va remonter plus. Fait que c'est un gros plus d'avoir ça, mais ça dépend de vos besoins. Encore une fois. C'est des conseils de base, mais il faut se renseigner quand même pour acheter ce qui est fait pour toi. Ça va rentrer. Oui. Il faut vraiment... Après ça, il y a les bâtons. C'est un accessoire qui est assez pratique et utile. Ça l'aide la marche, ça donne un coup de main quand on fait de l'ascension. Puis moi, quand je pars en marche, je sais jamais quoi faire avec mes bras. Fait que juste avoir les bâtons, on dirait que ça fait juste donner une petite aide, puis ça donne une utilité aux bras. Même quand tu marches dans la vie, tu sais, Émilie, il se traîne un bâton pour aveugle en tout temps. Et oh ouais, je m'en vais à l'école, j'amène des bâtons de marche, n'importe quand. Mm-hmm. Et ceux qui n'ont pas le goût de mettre de l'argent sur vraiment des bâtons pour raquettes, ça existe. Mais vous pouvez aussi acheter des bâtons de randonnée d'été. Souvent, c'est en deux ou trois parties, donc c'est assez compact. Puis souvent, ces bâtons-là, ils viennent avec comme des paniers à neige. C'est des embouts qu'on peut rajouter comme un embout de ski de fond, ou il y en a que c'est vraiment juste comme un embout plus large pour empêcher le bâton de trop caler. Mais si vous l'achetez comme bâton hivernal, quatre saisons comme ça, ben justement, vous partez cet été, vous les avez, vous faites juste enlever l'embout de neige. Puis donc, c'est un achat à l'année. Là, c'est assez rentable. Il y a des kits de base que je ne conseille pas nécessairement parce que c'est assez basse qualité. C'est pour les débutants. Oui, c'est ça. Des kits de base, dans le fond, t'as souvent ta raquette, tes bâtons de marche, puis des fois, t'as des guêtres qui viennent avec. Mais c'est vraiment de base, c'est adapté pour quelqu'un qui veut avoir sa propre paire parce qu'il veut pas louer puis courir après la location. Mm-hmm. Mais tu veux aller peut-être juste en faire une fois dans l'hiver. Ben, qui sait pas trop s'il aime ça, qui en fait pas trop souvent. Si vous en faites deux, trois fois cet hiver, ça va faire l'affaire, mais si vous dites « Moi, j'en fais une fois semaine, ça vaut vraiment pas la peine. » Les bâtons, c'est quand même des bons bâtons qu'il y a dedans, mais personnellement, ça vaut la peine. C'est environ une centaine de dollars pour les trois choses, tandis qu'une paire de raquettes, c'est environ 150 $, puis une paire de bâtons, c'est environ 50. Donc, 200 comparément à 100. Mais c'est pas la même qualité. Mais en même temps, si quelqu'un en a vraiment jamais fait, il est peut-être mieux justement d'aller en location au début. Après ça, il va savoir s'il a le goût d'en faire à chaque semaine ou pas. Ben c'est ça, mais il y a du monde qui me vient puis j'ai pas le goût de courir après la location. Ouais. J'ai juste comme envie d'avoir ma propre paire, puis je décide de partir un matin, ben j'ai ma petite paire, mais ça me coûte pas trop cher. Mm-hmm. Tu veux pas vraiment avoir de fun, tu veux que ça brise vite, non? Ben c'est ça, mais si tu me dis je vais en faire une fois par mois, c'est mon activité de fin du mois, ça vaut la peine, mais c'est pas. C'est pas le haut de gamme. Vous pouvez investir un petit peu plus puis être vraiment content. Ben, c'est ça. Bon. C'est ça. Il y a Outbound qui en font des assez bons, mais encore là, c'est vraiment de basse qualité. Là. Je vous dirais que les raquettes vendraient normalement 50-75 $ s'ils seraient vendus indépendamment du kit, mais tandis qu'une raquette vaut environ 150 $, donc on voit vraiment la qualité. Mm-hmm. Mais c'est ça. Si vous avez le goût d'en faire une ou deux fois par année, ça vaut la peine. Vite, certaines marques, moi, je connais un peu plus. Il y a GV, qui est une compagnie québécoise, qui est située dans la réserve Huron à Wendake, c'est près de Québec. C'est des super bonnes raquettes. Il y en a un peu près de tous les genres. Ça va de 150 à 250 $ Fait que il y a assez une grande gamme. Puis c'est une compagnie québécoise, donc ça vaut... Il faut les encourager. Ben, c'est parce qu'il y a il y en a qui viennent d'ailleurs, puis qui sont à peu près le même prix. Donc, s'il y a un bris, quoi que ce soit, c'est plus facile à faire réparer. La compagnie est juste à côté ici. S'il vient qu'à manquer de raquettes, on repart la production là-bas. Ça vaut vraiment la peine. C'est des bonnes raquettes. Sinon, il y a MSR. Mais ça, MSR, c'est un peu différent comme type de raquette. C'est des grandeurs standards, puis on rajoute des rallonges à l'arrière pour que ça s'adapte à la bonne grandeur. Puis la traction en dessous est un peu plus élevée. C'est un petit peu plus orienté pour du tout-terrain, traction élevée, terrain montagneux. Fait que pour marcher en arrière dans le champ, c'est pas l'idéal. Puis il y a Tubbs aussi, qui est une marque assez vendue. C'est vraiment la marque la plus reconnue des raquettes modernes en aluminium. C'est des beaux produits, des bons produits, bon qualité-prix. Sinon, je pourrais continuer encore. Il y a Louis Garneau, McKinley, Atlas, mais il faut vous informer en magasin, dans le fond, quelle gamme de prix vous voulez vous diriger puis quelle utilité. Mm. Fait que dans le fond, ma conclusion, là, gros, il faut évaluer ses besoins. C'est vraiment important. Si vous arrivez en magasin, de là, je sais pas qu'est-ce que je veux faire, on peut vous conseiller d'en acheter certaines sortes qui sont un peu plus polyvalentes. Mais soyez un peu plus certain de ce que vous voulez faire. Il y en a qui peuvent faire raquettes et champ en même temps, mais si vous me dites « Non, je veux vraiment juste de la montagne », bien, on va vous conseiller plus un type de qualité que d'autres. Puis, il faut c'est ça, évaluer ses besoins, où est-ce qu'on veut aller. Puis, si vous avez l'intention d'aller en sentier tapé déjà préétabli, bien, sincèrement, c'est une perte d'argent d'acheter des raquettes. Vous n'avez pas besoin. On renfonce pas ou très peu dans de la neige déjà tapée. Fait que juste une bonne paire de bottes, ben c'est comme marcher sur de la terre. Ouais. On n'a pas besoin de raquettes pour marcher là. Pis... Moi, ce que je trouve vraiment plate, là, c'est un peu éditorial, mais c'est que dans plusieurs parcs, là, dont entre autres plusieurs parcs de la CEPAC, on est obligé, c'est obligatoire d'avoir des sentiers, d'avoir des raquettes pour aller dans les sentiers, même si justement c'est tapé. Des fois, c'est comme un trottoir, là, c'est dur, mm-hmm. c'est tapé. Il y a 1000 personnes qui ont passé pendant la fin de semaine, mais c'est obligatoire d'avoir des raquettes. Puis je trouve, des fois, c'est un peu un genre de d'arnaque là, pour louer justement leurs raquettes. Ouais. Tu sais, disant, ben, t'as pas de raquettes, on en loue, puis c'est obligatoire. Tu sais, fait que ça, je trouve ça vraiment plate. Ben c'est ça, ben c'est vrai que souvent là, surtout quand ça fait longtemps qu'il n'y a pas neigé, quand ça fait plusieurs jours que plusieurs personnes ont passé là, souvent il y a des sentiers qui sont aussi durs qu'un trottoir, puis ça prend vraiment pas de raquette pour ça. Ben c'est ça. C'est plat. C'est vrai que c'est plat. C'est plate. J'ai le mot sur plate, quelque chose qui est plate. Puis la neige plate. Dernière petite chose, la raquette en bois revient à la mode. Ah oui, la babiche. Oui, oui, ça revient à la mode, mais il y en a beaucoup que leur harnais ou leur pic en dessous sont plus bons. Ça se vend juste le harnais inclus avec les pics en dessous. Donc on peut faire restaurer les raquettes de grand-papa qu'on trouve dans le... Ça coûte pas trop cher, c'est environ une quarantaine de dollars juste le harnais avec les pics en dessous. Ouais. Mais les souvenirs de grand-papa, eux, qu'est-ce que t'en fais? Ben, si la raquette n'a plus rien pour l'attacher, ben beau, mais t'avanceras pas vite avec ta raquette. Bon. Je te verrais, toi, Mathieu, avec des belles raquettes en babiche, là, oui. En goutte d'eau, là, avec un casque de poêle. Ah, wow! Ça serait terrible. Cool! Ça serait pas mal cute. Voilà, Émilie Gauthier. Émilie Babiche Gauthier. Non, l'espère. J'allais vraiment partir ça. Non, ça va Babiche. Fait que... Yo, Babiche! Si vous avez des questions, ben allez en magasin et informez-vous. Les vendeurs sont là pour ça. Mm-hmm. Bonne morale à suivre. Émilie Gauthier, encore une fois, avec sa chronique plein air tous les mardis à Sondage Requis. Merci beaucoup. Merci. Ben, c'est un plaisir. Bye-bye, Babiche. Bye-bye. Bye-bye. Hein? Bon. Donc, à Assemblage requis avec Kiwan et Mathieu, on continue ça, nous, pour encore une bonne 35N de minutes. On va recevoir Simon Fidibé plus tard pour parler de Gérard l'artiste. Exactement, mais on va aller tout de suite en musique avec le groupe Los Campesinos. C'est la pièce We Are Beautiful, We Are Doomed. Sur C'est fou, 89.1. You kiss my neck, I whisper in your ear. This is my dying flesh, you squint and you grimace. We both know your heart's not in it. In a glow of a thousand fireflies, no travelodge on sweet. They think the future's bright as halogen. We know it's pretty bleak and I'm trying to be sexy, biting at the air that falls in front of me. Less detailed by the day, and all the characters are strangers, and the pubs have different names. I tell a joke, I like to meet them, but they loathe me and I hate them back. Absence makes the heart grow fonder, fondness makes the absence longer. Length loses my interest, I'm a realist, I'm insatiable. Stop counting days until I fly with hours before your reply. Feeling like I'm being undercut.

Spiral Beach et Merry-Go-Round in a Mania, leur album The Only Really Thing. C'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Nous, on va être de retour demain à partir de 15h. Il va y avoir Sébastien Dulude et sa chronique sur les sorties culturelles alternatives. Et il va certainement y avoir une chronique CNX aussi. Kiwan va être de retour aussi. D'ailleurs, je vous invite à vous rendre juste à côté à la Chasse Galerie pour le 5 à 7 sur l'affiliation ou la désaffiliation à la FEUC. Hein? Sinon, c'est comme ça qu'on peut dire ça, je pense. Ouais, ben, c'est pas mal comme ça qu'on peut dire ça. Ouais, ouais, donc allez-y, c'est un 5 à 7 à la Chasse Galerie. Il y a de la pizza gratuite et de la bière à la baisse à la bière, ouais, c'est intéressant. On va pouvoir se saouler à la gueule et bien manger. Pour pas cher, ben, ben. Pour pas cher, en regardant du monde sans gueuler. C'est vraiment génial. En plus, et voir Kiwan, qui est un être assez, ma foi, plutôt sexy. Donc, c'est le débat référendaire à la Chasse Galerie tout de suite. Plus tard, sur nos ondes ici, à C'est Fou, ce soir, il va y avoir à 17h la dernière porte à gauche, Kiwan, qui va être en rediffusion aujourd'hui, vu qu'il est juste à côté. Il peut pas faire deux choses en même temps. Étal Mix avec Sébastien Dulude à 18h, Rock Révélé à 19h avec Serge Nadeau et Réanimation avec le Dr. Pendragon à 21h. C'est votre soirée. On se quitte avec un petit peu de Air et Soulite is Your Footfall du palmarès anglophone. Je remercie Simon. Ça fait plaisir, Mathieu. Je remercie Émilie. Je remercie Kiwan. Je me remercie moi-même. Et je vous remercie, vous, d'avoir écouté. À demain. Bonne soirée. Bye, Simon. Dans tes oreilles. Oh, oh, il plug le slogan en plus. Soulite is Your Footfall. She moves like a bird, she's an angel. Such a familiar stranger, I wish I could help her, she's in danger.